Le scénario est invraisemblable. Pas un producteur de cinéma sensé ne l'accepterait. En voici les grandes lignes. Le chef d'un service de contre-espionnage passe soudain avec armes et bagages chez l'ennemi. Là-bas, il tient des propos très hostiles à son pays et ses dirigeants. Quelques mois se passent, puis soudain, grâce à un agent secret, il revient chez lui. Accusé de haute trahison, il est jugé, condamné, mais la peine est excessivement légère et bientôt notre homme est libéré. Invraisemblable, vous disais-je, et pourtant, ce mauvais scénario est en effet tiré de la réalité. Cette histoire a existé. C'est celle d'Otto John, le chef de l'office de contre-espionnage de l'Allemagne fédérale, le BFV. Et M. X a choisi de me révéler la vérité sur cette affaire extravagante. Car selon mon interlocuteur, cette histoire n'est pas si invraisemblable qu'il y paraît, si l'on connaît le dessous des cartes, naturellement. 1954, l'Allemagne fédérale est encore convalescente et la dénazification est loin d'être terminée. C'est un pays sous tutelle, à la souveraineté limitée et toujours occupé par les forces alliées. À l'est, le glacis soviétique s'est abattu sur la RDA, la République démocratique allemande. Et les dirigeants de l'Ouest vivent dans la hantise du communisme et de l'espionnage. Le chancelier Adenauer, qui tient les rênes du pouvoir depuis la fin de la guerre, a décidé de placer résolument son pays divisé dans le camp occidental. Mais la France a fait échec au projet de communauté européenne de défense. En octobre 1954, les accords de Paris restituent à l'Allemagne fédérale une partie de sa souveraineté en abrogeant le statut d'occupation. Mais les États-Unis, la France et la Grande-Bretagne ne renoncent pas à toutes leurs prérogatives. Et c'est seulement en 1955 que l'URSS et la RFA s'accorderont pour échanger des ambassadeurs. C'est donc dans ce pays blessé et humilié, qui n'est pas encore un État comme les autres, que l'affaire John éclate en juillet 1954. En Allemagne, mais aussi dans tout le camp occidental, la révélation de la défection du docteur Otto John fait l'effet d'une bombe. Pénaud, rendez-vous avec X. Otto John est mort il y a moins de 2 ans en Autriche. Il avait près de 90 ans. Il est convenu de dire qu'il a emporté son secret dans sa tombe. Un secret que vous connaissez? Oui, une grande partie en tout cas. Car même pour des gens qui savent, il y a encore des zones d'ombre. Il faut dire que cette affaire est tellement exceptionnelle, inédite même. Je me souviens encore de mon effarement quand j'ai appris la nouvelle du retour de John. 1 an après son départ pour l'Est. J'ai cru qu'il s'agissait d'une blague. Vous pourriez peut-être commencer par me dire qui était cet homme. Volontiers. Otto John était un juriste. Avant-guerre, il avait été engagé au service juridique de la Lufthansa. Une situation stratégique. Pourquoi stratégique? C'est un fabuleux poste d'observation. Mais il observait quoi? Les allées et venues des uns et des autres. C'est très utile de travailler dans une compagnie d'aviation. On y apprend beaucoup de choses. Vous fascinez que John faisait déjà de l'espionnage? Exactement. Dès cette époque, Otto John est clandestinement un homme des services du fameux amiral Canaris. Le patron de l'Abwehr. Oui, le service de renseignement de l'armée allemande. Et John est nazi? Non, bien au contraire. Politiquement, autant qu'on puisse le savoir, John était plutôt royaliste. En tout cas, c'est certain, il n'était pas nazi. Pas plus que son chef Canaris, qui le paiera d'ailleurs de sa vie, comme vous le savez. Et John, ainsi que son frère, seront étroitement mêlés à l'attentat manqué contre Hitler en juillet 1944. L'attentat perpétré par le colonel Klaus von Stauffenberg. Avec de nombreuses complicités dans le haut commandement allemand. Et la plupart des auteurs de cet attentat seront exécutés. Dont Canaris et le frère de John. Mais lui, Otto, parvient à échapper à la Gestapo. Comment il... Grâce à la Lufthansa. Il disposait d'un visa permanent de voyage sur les lignes qui desservaient les pays neutres. Et dès qu'il a appris que le Führer n'avait pas péri dans l'attentat, il a prudemment sauté dans un avion pour l'Espagne. Mmh. Il se savait donc menacé. Bien évidemment, et à double titre. Que voulez-vous dire, là? Je suis persuadé que non seulement John a collaboré avec les auteurs de l'attentat, mais qu'il était aussi en contact avec les Anglais. Les services anglais? Oui. Mmh. La meilleure preuve, c'est que dès son arrivée à Madrid, Otto John se présente à l'ambassade de Grande-Bretagne. Il est aussitôt envoyé à Londres. Mmh. À votre avis, Canaris savait-il que son agent fricotait avec les Anglais? Vraisemblablement. Et il devait approuver. Parce qu'il pensait comme tous les anti-nazis à l'après Hitler. Mmh. Bon alors, John se trouve à Londres, mais la guerre n'est pas terminée. Que fait-il? Il est immédiatement enrôlé dans un service d'action psychologique. Donc encore un organisme contrôlé par les services secrets. Naturellement. Ça veut bien dire qu'à Londres, on le considérait comme un homme sûr. Et son travail là, consiste en quoi? Sous un pseudonyme, il travaille avec un journaliste germanophobe, Delmer, qui a créé des radios émettant vers l'Allemagne et les pays occupés par les nazis. Et lorsque la guerre se termine, il choisit de rester en Angleterre. Ouais. Pourquoi il reste en Angleterre, John? Les services secrets, toujours. Otto John est chargé de s'intéresser au passé des officiers supérieurs allemands capturés par les Anglais. Mmh. Afin de savoir s'ils ont été nazis ou pas. Exactement. Mmh. Et notez-le bien au passage, il ne va pas se faire que des amis en effectuant ce travail. J'ajoute qu'il sera aussi interprète des magistrats britanniques lors du procès des criminels de guerre à Nuremberg. Une fonction qui ne sera pas du goût de tout le monde. Surtout quand il témoignera personnellement plus tard lors du procès du maréchal Erich von Manstein. Mmh. Témoin à charge. Oui, vous connaissez l'histoire. Non. Manstein a comparu en 1948 devant des juges militaires britanniques. Il était généralement considéré comme un soldat irréprochable qui n'avait fait que son métier. Il prétendait en particulier qu'il n'avait jamais entendu parler avant la fin de la guerre de la politique d'extermination systématique des Juifs. Mais un maréchal allemand, ça me paraît quand même curieux. Il avait raison. Et John, qui avait recueilli les archives de la 11e armée, celle que commandait Manstein sur le front russe, savait que le maréchal mentait. Oui, mais est-ce qu'il en avait la preuve? Oui, une preuve écrite. Dans le journal de guerre de Manstein, il avait trouvé quelques lignes biffées. Intrigué, il avait essayé de les déchiffrer. Et il a réussi. En regardant la feuille à contre-jour, il a pu lire à peu près ceci. Le commandant en chef ne souhaite pas que les officiers soient présents lorsque des juifs sont fusillés. Cela est indigne d'un officier allemand. Superbe preuve d'hypocrisie. Et quel aveu. John, à la demande de l'accusation, est venu lire ces quelques lignes. Manstein a été contraint de reconnaître leur authenticité. Et le maréchal, prétendument irréprochable, a été lourdement condamné. Une condamnation qu'on va reprocher à John. Mais pourquoi? Parce qu'il donne l'impression de travailler contre les anciens chefs militaires de son pays. Oui, certains n'hésitent pas à l'accuser de traîtrise. Alors que John, en se conduisant ainsi, ne fait que rester fidèle à son combat anti-nazi. Donc si je comprends bien, il se fait de nombreux ennemis. Tout à fait. C'est peut-être pour cette raison qu'il ne rentre pas tout de suite dans son pays. Mais il revient quand en Allemagne? En 1950, et c'est un retour en fanfare. Expliquez. Le docteur Otto John est pressenti par les Alliés pour occuper la direction d'un nouvel organisme allemand, le BFV, Bureau fédéral de protection de la Constitution. Une appellation qui dissimule en fait un service de contre-espionnage. Alors pourquoi un titre aussi alambiqué Les Allemands, à peine sortis du nazisme, étaient hantés par la crainte de voir renaître une police politique. Comme la Gestapo. Hein. Donc ils ont choisi ce nom curieux. Ils ont aussi fait en sorte que ce service ne soit pas rattaché directement au chancelier et qu'il n'ait surtout aucun pouvoir de police. Alors à quoi sert-il? Sa mission, c'est la recherche du renseignement et son exploitation. Sont visés tous ceux qui seraient tentés de porter atteinte à l'ordre constitutionnel de la République fédérale. C'est-à-dire essentiellement les communistes et les nazis. Ouais. Et ce sont donc les alliés qui désirent imposer Otto John. Oui, américains et anglais, sur le conseil de leurs services secrets respectifs. Mais comment réagissent les Allemands, là, à qui on n'a pas demandé leur avis, si j'ai bien compris? Les choses ne sont pas aussi simples que cela. Les alliés ont manœuvré en souplesse pour imposer Otto John. Le chancelier Adenauer, même si son pays se trouvait encore sous tutelle, était un homme particulièrement chatouilleux. Donc il fallait respecter les apparences. Mais au fond, que pensait le chancelier de la candidature de John à la direction du BFV? Adenauer lui-même n'était pas très chaud parce qu'il aurait préféré nommer un de ses proches collaborateurs, mais il y avait surtout l'opposition des généraux. Les généraux Tous ces officiers de la Wehrmacht rescapés de la purge anti-nazie et qui ne supportaient pas qu'un homme comme John accède à d'aussi hautes fonctions. À cause en particulier du rôle qu'il avait joué auprès des Anglais. Évidemment. C'est John, en quelque sorte, qui avait eu à les juger. Et puis, il y avait eu son témoignage lors du procès Manstein. Donc, dès qu'il a été question du nom de John pour diriger le contre-espionnage, une intense campagne a commencé. Et l'homme qui la menait était particulièrement redoutable et décidé à réussir par tous les moyens. Dans un livre intitulé « Le réseau Gehlen », les deux auteurs, Hermann Zölling et Hans Hoene, évoquent le travail du docteur Otto John auprès de l'Office britannique de contrôle pour l'Allemagne et l'Autriche. Je les cite. Après la guerre, John avait passé au crible les prisonniers de guerre allemands. Les antinazis étaient classés dans la catégorie A, les indifférents politiques dans la catégorie B et les nazis dans la catégorie C, où se retrouvèrent des maréchaux, des généraux et des amiraux. Et c'était du classement opéré par John que dépendait le retour des prisonniers dans leur foyer, car ceux de la catégorie C restèrent dans les camps. D'autre part, je lis dans l'ouvrage de Geoffroy Daumal et Jean-Pierre Faure, le guide de l'espionnage et du contre-espionnage, livre paru au Cherche Midi, que le nom d'Otto John pour la direction du BFV a été avancé par Alain Dulles, directeur de la CIA, et de Yvonne Kirkpatrick, haut commissaire britannique. Une confirmation des propos de M. X. Mais, a dit celui-ci, un homme redoutable s'opposait à cette nomination. Alors, qui est cet homme? Reinhard Gehlen. Le fameux chef des services secrets allemands. Hein. Lui-même. Un type redoutable et redouté. Je crois qu'il n'est pas inutile de rappeler qui était cet homme qui cachait toujours son regard derrière des lunettes fumées, un petit peu à la façon de Jaruzelski. Et de Pinochet. C'est vrai, j'y avais pas fait le rapport. Ouais. Et pendant la guerre, je crois que Gehlen s'occupait déjà de renseignements. Oui. Il a même consciencieusement servi Hitler en organisant un service d'espionnage militaire dirigé contre l'URSS. Mais quand il comprend que le Troisième Reich va être battu, il prend les devants. Et de quelle façon? Il met à l'abri toutes ses archives. Mais dans quel but Les monnayer, bien sûr. Mmh. Pas contre de l'argent sonnant et trébuchant, mais contre sa liberté, car Gehlen sait qu'il sera tôt ou tard arrêté par les forces alliées. Et c'est ce qui arrive? Oui, en mai 45. C'est la police américaine qui l'interpelle. 3 mois plus tard, Gehlen demande à voir le chef du renseignement de la zone d'occupation américaine. Il lui offre ses archives et lui propose aussitôt de créer un service destiné à espionner l'URSS. Il n'a pas traîné. Non, mais et Gehlen, qui était très malin, savait que les Américains, qui pensaient déjà depuis longtemps à l'inévitable confrontation qui allait les opposer aux Soviétiques, sauteraient sur l'occasion. Mmh. Mais qu'est-ce qu'ils voulaient acheter, les Américains? Ses archives ou son savoir-faire? Ses archives plus son savoir-faire. Et sans se soucier de son passé? Écoutez, en matière de renseignement, on n'a pas l'habitude de faire du sentiment. Et Gehlen, incontestablement, pouvait rendre de précieux services parce qu'il était farouchement anticommuniste et qu'il disposait toujours d'agents à l'Est. Il faut d'ailleurs savoir que la plupart des actions subversives menées après-guerre dans les pays de l'Est ont été organisées par cet ex-général hitlérien, avec la bénédiction de la CIA, naturellement. Donc, Gehlen obtient ce qu'il veut? Oui. Washington donne assez rapidement le feu vert pour qu'il crée son service. Et c'est ainsi, nanti de millions de dollars, que naît ce qu'on va appeler l'organisation Gehlen, l'ORG, qui deviendra plus tard le BND, c'est-à-dire le Service fédéral de renseignement. Et donc au départ, c'est une création purement américaine. Tout à fait. Et Gehlen sera toujours l'homme des Américains. Il ne faut pas l'oublier. Même si à partir de 1949, je crois, l'ORG est passé en principe sous le contrôle des autorités allemandes. Son action est donc dirigée contre les pays de l'Est. Exclusivement. À commencer par la RDA, qui va être son terrain de chasse favori. Alors maintenant, revenons au docteur Otto John. Qu'est-ce qui peut attirer sur lui les foudres de Gehlen? C'est un rival, un concurrent. Gehlen voulait avoir la main sur tout le renseignement. Et puis, franchement, ce John qui avait résisté à Hitler ne lui paraissait pas assez anticommuniste. Mais il y avait autre chose. Gehlen était un général et il ne pouvait pas pardonner à John son action contre les officiers supérieurs nazis. Ouais, esprit de caste. Bien sûr. Il en voulait surtout à John d'avoir contribué à faire condamner à la prison le maréchal von Manstein, à qui il vouait une grande admiration. Donc Gehlen s'oppose à la nomination de John à la tête du BFV? Oui, et Gehlen va monter une véritable cabale contre lui en mobilisant le clan des généraux. Avec quels arguments? Gehlen, d'une façon très machiavélique, laisse entendre que parmi les résistants anti-nazis se sont glissés des agents soviétiques, des membres de l'Orchestre Rouge. Ouais. Et John serait bien sûr l'un de ceux-là. Hein. Bien entendu. Et ça marche En tout cas, dans les milieux proches d'Adenauer, l'argument porte. Le chancelier tarde à accepter sa nomination. Et s'il finit par s'incliner, c'est sous la pression des alliés. Mais je comprends pas, vous avez bien dit quand même que Gehlen était un homme des Américains. Oui, mais il y avait aussi les Français et les Britanniques. N'oubliez pas que John avait été un de leurs agents. Puis je crois fondamentalement que les alliés voulaient en quelque sorte équilibrer les forces. Et faire contrepoids à Gehlen. Exactement. Gehlen était efficace, mais il faisait peur. À cause de son passé nazi? Oui, d'autant qu'il s'était entouré d'officiers qui avaient eu le même parcours que lui. En confiant l'autre service de renseignement à un anti-nazi, on faisait la part des choses. Donc, Otto John finit par être nommé. En 1950. Mais cette victoire n'empêche pas la guerre de continuer. La guerre entre les deux services. Et entre les deux hommes qui se détestent cordialement. La lutte entre l'ancien nazi et le résistant au nazisme. John ne cesse de dénoncer le retour en grâce des nazis qui occupent désormais de hautes fonctions dans l'armée ou le pouvoir. Quant à Gehlen, il ne rate pas une occasion de nuire à son rival. Par exemple ? Le chef de l'orgue a une obsession. Faire en sorte que le docteur John soit considéré comme une taupe de l'Est, afin de le discréditer, lui et son service. Mais attendez, quand même, est-ce qu'il n'y avait pas des éléments qui pouvaient accréditer cette thèse ? Aucun. La meilleure preuve, c'est que le chancelier Adenauer, alerté par cette incessante rumeur, a demandé à Gehlen en personne d'enquêter sur John. Eh bien, malgré tous ses efforts, et vous imaginez bien que Gehlen ne les a pas ménagés, il n'a rien pu prouver contre John. Oui, mais il va y avoir plus tard sa défection et son passage à l'Est. En 1954, oui, mais je vais y venir. Mais jusque-là, rien, je vous l'affirme, ne pouvait être retenu contre John. J'ajoute que dans le même temps, on a fait courir des bruits malveillants sur la vie privée de John. Des bruits de quel genre On a prétendu qu'il buvait. Comment pouvait-on faire confiance à un tel homme? Comment surtout pouvait-on continuer à lui confier la maîtrise du contre-espionnage? Et d'après vous, tout ça faisait partie d'un plan concerté? Absolument. Bon, alors le passage à l'Est maintenant. Bon, voyons d'abord les faits, si vous le voulez bien. Le 20 juillet, le docteur John part pour Berlin, où l'on doit célébrer le 10e anniversaire de l'attentat manqué contre Hitler. Une cérémonie qui lui tient particulièrement à cœur pour les raisons que je vous ai dites. Après la célébration qui a lieu en présence du président de la République et du chancelier, Otto John rend visite à l'un de ses vieux amis, un docteur en médecine, Wolfgang Wolgemuth. Ce médecin habite Berlin. Oui, il vit et consulte à l'ouest. Mais il travaille aussi à l'est, à l'hôpital de la Charité. Un curieux homme. Et pourquoi ? Parce que ce praticien fortuné, amateur de jolies femmes, professe ouvertement des idées communistes. Et à cette époque, à l'ouest, c'est très mal vu. Oui, et c'est vraiment un très, très bon ami de John ? Tout à fait. Un dirigeant d'un service de renseignement occidental ami avec un communiste. C'est étrange quand même. Étrange ou dangereux, mais c'est la vérité. En tout cas, ça pouvait alimenter les soupçons de Gehlen. Vous avez raison. Donc John rend visite à son ami en début de soirée. Un peu plus tard, les deux hommes sortent. Ils montent dans la voiture du médecin et ils partent en direction de l'Est. Berlin-Est. Oui, Berlin-Est. Et là, ils s'évanouissent dans la nature. Il faudra attendre 48 heures pour apprendre l'incroyable nouvelle. Le chef du contre-espionnage ouest allemand a trouvé refuge en zone soviétique. Pour expliquer la défection du docteur Otto John, on a parlé de dépression nerveuse. Voici par exemple ce qu'écrit le journal La Croix, une semaine après. On a rapporté le fait que John serait tombé en pleurs le 20 juillet, pendant la cérémonie à la mémoire de ses anciens camarades exécutés par Hitler. On lui prête le mot suivant, dit à un de ses compagnons ce jour-là. Vous avez peur des communistes ? Moi, c'est les nazis que je crains. Sa crise de larmes aurait été causée, selon lui, par la présence d'anciens membres de la Gestapo parmi les participants à la cérémonie qui se déroula à la prison où eurent lieu les exécutions de 1944. « Je suis menacé par eux », aurait-il dit. Mais le journaliste de La Croix ajoute « Tout cela paraît bien romanesque et destiné seulement à donner consistance à la thèse d'une dépression » ayant permis un enlèvement. Personne n'y croit plus. En effet, dès le début, la question qui se pose est celle-ci. Otto a-t-il choisi de passer à l'Est ou bien y a-t-il été obligé ? Monsieur X répond tout de suite. Je vais vous faire une réponse curieuse. Il y a des deux. Ce n'est pas très clair. Vous savez, rien n'est vraiment clair dans cette rocambolesque histoire. Et parfois, la manifestation de la vérité prend d'étranges détours. Ça, je vous fais confiance. Pas de sarcasme, je l'en prie. Je crois vous avoir prouvé depuis le temps que nous nous entretenons ensemble que je connaissais souvent l'envers du décor. Mais la vérité est vraie. Et je vous fais remarquer aussi que je n'ai jamais été démenti. Ah, d'accord, allez, on fait la paix. Alors, cette vérité. Bon, laissez-moi d'abord poursuivre à ma guise. Deux jours après la disparition d'Otto John, on a confirmation qu'il est bien passé à l'Est. Et comment ? Le docteur John fait une déclaration à la radio Est allemande. Ah, une question d'abord. On est vraiment sûr que c'est lui qui a parlé à la radio ? Vraisemblablement. Encore une réponse qui n'en est pas une. Hein. Écoutez, vous savez aussi bien que moi que les services sont en même de procéder à des faux, non ? Des faux écrits comme des faux sonores. Mais quand je vous aurai expliqué exactement ce qui s'est passé, vous admettrez que c'est vraisemblablement Otto John lui-même qui a prononcé cette déclaration. Alors que dit-il dans cette déclaration ? Oh, je n'ai pas en mémoire ses propos exacts. Mais il s'agissait en gros d'une violente condamnation des dirigeants de l'Allemagne fédérale et du nazisme renaissant. J'interromps un instant cet entretien car j'ai retrouvé le texte de cette déclaration d'Otto John faite à la radio est-allemande. En voici l'essentiel. à mes concitoyens allemands. Les divergences entre l'Est et l'Ouest menacent l'Allemagne du danger d'être déchirée pour toujours. Une action démonstrative est nécessaire afin d'appeler tous les Allemands à agir pour la réunification allemande. C'est pourquoi je me suis résolu, le jour anniversaire du 20 juillet, à un pas décisif afin de prendre contact avec les Allemands de l'Est. Dans la République fédérale, les bases nécessaires à une action politique m'ont été enlevées. Après avoir été diffamé d'une manière continue dans mon service par les nazis, qui surgissent à nouveau partout dans la vie politique, mais aussi publique, le ministre de l'Intérieur de Bonn m'a rendu impossible tout travail ultérieur dans mon service en déclarant devant la presse qu'après l'obtention de la souveraineté, on aurait toute latitude de charger des tâches de défense de la Constitution des personnalités qui soient vraiment au-dessus de tous les doutes. Bref, Otto John accuse son ministre de tutelle, qui était d'ailleurs un ancien membre du parti nazi, de faire obstacle à son travail, de vouloir le liquider dès que l'Allemagne aurait recouvré toute sa souveraineté et surtout de mettre en doute son intégrité personnelle. Vous imaginez bien que cette défection a provoqué la panique non seulement en Allemagne fédérale, mais aussi dans tous les services occidentaux. Oui, parce que John connaissait beaucoup de choses. Bien évidemment. En tant que patron du contre-espionnage, il avait accès aux documents les plus sensibles et aux secrets les plus importants. Songez, par exemple, que juste avant sa défection, il avait fait le voyage de Washington où il avait rencontré tous les dirigeants de la CIA. Et je peux aussi vous dire que chez nous, au SDEC, Otto John jouissait d'une totale confiance et qu'on le considérait comme un allié sûr. Donc, en passant à l'Est, il pouvait provoquer des dégâts considérables. Oui, mais l'a-t-il fait? Non. Pourquoi? Parce que John n'était pas un traître. Oui, mais peut-être, mais écoutez, à partir du moment où il était passé de l'autre côté, les gens du KGB ou des services secrets de la RDA pouvaient être tentés de le faire parler malgré lui. Hein. Il y a des méthodes pour cela, non? Oui, je suis d'accord, mais l'intérêt des soviétiques, car c'est le KGB qui a géré toute cette affaire, était au contraire de ménager autant que possible Otto John et d'en faire un instrument de propagande anti-occidentale. L'occasion était trop belle. La défection d'un chef du contre-espionnage ennemi, ça ne se voit quand même pas tous les jours. Donc, à votre avis, il n'aurait rien dit? Non. La preuve, c'est que son passage à l'Est n'a donné lieu à aucune arrestation d'agents occidentaux agissant aussi bien en URSS qu'en RDA. Or, John en connaissait beaucoup. Ça me laisse quand même sceptique, moi. Eh bien, vous avez tort. Mais, bon, alors, les autorités fédérales allemandes, comment ont-elles réagi? Elles ont été, comme vous pouvez l'imaginer, très embarrassées. Et pour justifier l'injustifiable, elles se sont lancées dans des explications saugrenues. Un ministre, je ne sais plus lequel d'ailleurs, a prétendu que le docteur John avait été drogué par son ami Wolfkemuth. Drogué, puis enlevé. C'est complètement farfelu. Moi, je vous assure que lorsque John a franchi la frontière entre le secteur occidental et le secteur soviétique, il était en pleine possession de ses moyens. Peut-être, oui. Mais une fois à Berlin-Est, qu'a-t-il fait? Difficile à dire. Il a servi la propagande soviétique, comme je vous l'ai dit, en dénonçant en particulier les nazis qui truffaient le gouvernement fédéral au cours de conférences à travers toute l'Allemagne de l'Est. Puis, on l'a oublié. Et 18 mois après sa défection, il est réapparu à l'Ouest. Et comment? Je crois savoir que ce sont des types des services anglais qui ont réussi à l'exfiltrer. Donc il était consentant? Tout à fait. Et c'est la preuve absolue que ce n'était pas un traître, parce qu'il savait qu'en retournant en Allemagne fédérale, on lui demanderait forcément des comptes. Et c'est ce qui s'est passé? Bien sûr. Il a été aussitôt arrêté et traduit en justice. Il a été condamné? Oui, à 4 années de prison. Ça, je trouve ça un peu, moi, pour un crime de haute trahison. Vous avez tout à fait raison. Et c'est un nouveau signe qui montre que même les Allemands de l'Ouest ne le considéraient pas vraiment comme un traître. D'ailleurs, Otto John a été libéré bien avant d'avoir fini d'exécuter sa peine. Voilà. Je crois qu'il doit être temps maintenant de m'expliquer ce qui s'est réellement passé, alors. Rappelez-vous ce que je vous ai dit. Otto John est passé de son plein gré à l'Est. Et pourtant, d'une certaine façon, on l'y a obligé. Ce qui est parfaitement contradictoire. En apparence, oui. La clé du problème, c'est Reinhard Gehlen. Pour des raisons que je vous ai déjà expliquées, il veut la peau de John. Il veut absolument s'en débarrasser, d'où la campagne d'insinuations et de calomnies diverses. Mais ça ne suffit pas. John s'accroche à son poste. Il faut donc imaginer autre chose. Le discréditer définitivement, en faire un traître, et psychologiquement, ça va être très fort. Mais comment? John a deux amis. Oui, l'un est ce docteur-là, ce médecin. Wolfkemuth, oui. Et il va jouer un rôle dans l'histoire. L'autre, prénommé lui aussi Wolfgang, est un juif allemand, Hofer, qui, au temps du nazisme, a émigré aux États-Unis où il est devenu un agent de la CIA. Après la guerre, ce Hofer est revenu en Allemagne. Ouais. Et il travaille toujours pour l'agence américaine? Naturellement. John le voit souvent. Ils sont intimes. Or, un jour de juillet 1954, Hofer révèle à son ami qu'il est en réalité chargé de le surveiller. C'est sa vraie mission en Allemagne. Otto John tombe de haut. non seulement parce que Hoffer a trahi son amitié, mais aussi parce qu'il sait désormais que même les Américains n'ont plus confiance en lui. Démoralisé, il se confie à son deuxième ami, le docteur Vogelmuth. Et celui-ci le convainc d'abandonner ce pays miné par les nazis et de passer à l'Allemagne de l'Est, où il pourra agir en faveur de la réunification allemande et dénoncer le retour du nazisme. Oui, mais Hegelen dans tout ça? C'est lui. Et ces hommes qui ont tout inventé et qui ont manipulé Hoffer, l'agent de la CIA. Hegelen, je vous l'ai dit, était l'homme des Américains. Et son organisation était en quelque sorte une filiale de la CIA. Hoffer a donc menti en révélant à John qu'il était chargé de le surveiller? Absolument. Il a menti sur ordre. Mais écoutez bien, pris de remords, il s'est suicidé, le soir même où son ami John passait à Berlin-Est. Dernière question, là. Pourquoi John est-il revenu à l'Ouest? Oh, parce qu'il a bien vite compris qu'il avait été l'objet d'une manipulation. Et puis la vie en RDA ne lui convenait pas. Alors aussitôt qu'il l'a pu, il est repassé de l'autre côté, au risque d'être lourdement condamné. Mais je pense qu'il a dû raconter une partie de son histoire. Et les autorités ont préféré lui infliger une condamnation légère et étouffer l'affaire. Le général Hegelen a publié en 1972 un livre de mémoire. Il y évoque brièvement, et avec une condescendance certaine, l'aventure extraordinaire du docteur Otto John, un homme, écrit-il, qui avait tendance à voir en ses vrais amis des ennemis et, ce qui était beaucoup plus dangereux, vice-versa. Plus loin, Hegelen évoque le retour à l'Ouest de John. Après avoir affirmé que son organisation n'a joué aucun rôle dans ce retour, il écrit « Adenauer n'avait certainement pas d'affection à gaspiller à l'égard de cet enfant prodigue. On prétend qu'il informa les membres de son cabinet en ces termes. J'ai une nouvelle à vous apprendre et je crois qu'elle vous amusera. Le docteur John a déserté. » Ollenhauer, le chef de l'opposition, m'a déclaré qu'à son avis, John devait intéresser plus les psychiatres que les hommes politiques. J'estime ce jugement trop sévère. Je considère en effet que cet homme mérite notre sympathie, car il endurait ce qui a certainement été pour lui une horrible tragédie. On peut attribuer les 18 mois qu'il passa entre les mains des communistes à une sorte d'aberration mentale. Aujourd'hui, il a purgé sa peine, et pour ma part, je souhaiterais qu'on ne parle plus de cette triste affaire. Une dernière phrase qui conforte la thèse de M. X. Si ce dernier a raison, Hegelen, en effet, n'avait nul intérêt à ce que l'on ouvre à nouveau le dossier du docteur John. À samedi prochain avec M. X. Merci Patrick Pénard.